Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL et pour terminer l'émission, on va faire un drôle de lien entre les tweets, et oui, on va se promener du côté des réseaux sociaux et on va faire un lien avec la bourse. Donc on peut se demander un petit peu où est la science là-dedans. Eh bien c'est Myriam Desmarais qui va nous tisser ce lien. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors cette semaine, ta curiosité, bon, en fait ça a été piqué par un article dans le Devoir de samedi où le journaliste Fabien Deglise présentait une nouvelle scientifique où les scientifiques ont réussi à prédire avec une précision quand même de 87% les variations quotidiennes de la bourse, les variations de l'indice boursier du Dow Jones. C'est quand même surprenant. Tout à fait, je trouvais ça curieux que un des fantasmes de l'humanité était sur le point de se réaliser. Je voulais savoir à quel point c'était vrai. Donc on savait déjà que les recherches en psychologie démontrait que les émotions ou les nouvelles de l'actualité pouvaient jouer un rôle significatif dans le processus décisionnel de l'être humain. Un des champs d'études de la finance behaviorale ou comportementale, avait déjà prouvé que les décisions financières étaient motivées par les émotions et l'humeur. Mm-hmm. Mais la question est de savoir s'il existe une manière d'analyser les humeurs des gens assez précise pour prédire les situations boursières. Oui, c'est ça, parce que c'est comme une impression qu'on a, mais est-ce que c'est réellement documenté de façon scientifique, c'est autre chose? Exactement. Là. L'article du Devoir était basé sur un article scientifique qui a été publié au mois d'octobre dernier dans les pages du Technology Review du Massachusetts Institute of Technology, mieux connu sous le nom de MIT, ouais. Avec des chercheurs de l'Université de l'Indiana, qui s'appellent Joanne Bolland et Wina Mao, puis aussi un chercheur de l'Université de Manchester, Xiao Jiangzheng. Je m'excuse pour la prononciation. On t'en voudra pas. Donc, à ce moment-là, on peut penser que c'est un travail rigoureux. C'est pas juste une élucubration philosophique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Est-ce qu'ils ont supposé que l'humeur et les sentiments généraux du public pouvaient dicter les valeurs boursières? Tout comme, par exemple, les informations dans les nouvelles? Des fois, quand il y a des informations dans les nouvelles, là, on voit une valeur boursière qui monte. Exactement. Le défi, c'est vraiment de prendre le pouls de l'humeur générale du public. Puis, récemment, dans les 5 dernières années, grâce aux réseaux sociaux puis à Twitter, il y a des techniques pour mesurer les sentiments et l'humeur publique qui se sont vraiment développées. C'est quand même curieux. Mais Twitter, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un réseau de micro-clavardage où les abonnés écrivent des messages de 100 caractères ou moins. Mm-hmm. À chaque fois que les gens tweetent, ils peuvent exprimer une expression ou un sentiment personnel. Puis l'ensemble de ces tweets-là, ça forme un bassin d'informations assez précis, surtout aux États-Unis, quand on pense qu'il y a des millions de gens qui mm-hmm. tweetent chaque jour. Mm-hmm. Donc, les chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé 10 millions de tweets faits par environ 3 millions d'internautes mm-hmm. qui ont été écrits entre le 28 février et le 19 décembre 2008. C'est quand même un bel échantillon, là. Près de 3 millions d'internautes, 10 millions de tweets. C'est un grand échantillon. Oui, statistiquement, c'est intéressant. Oui. Puis, ils ont réussi à extraire les tweets où ils mentionnaient des émotions. Ils ont choisi des mots-clés, comme par exemple « I feel »,« I am feeling »,« I'm feeling »,« I am »,« makes mm-hmm. me ». Puis, ils ont enlevé tout ce qui pouvait être des spams avec les HTTP et les triple W. Mm-hmm. Et puis, ils ont pris l'ensemble de ces millions de tweets-là. Puis, ils ont classé les humeurs qui ressortaient ou les sentiments ou émotions qui ressortaient mm-hmm. des tweets en 6 catégories. Catégorie calme, alerte, confiant, dynamique, gentil et heureux. Mm-hmm. Puis, à partir de ça, ils ont réussi à établir une corrélation entre les humeurs de la population générale puis des événements socioculturels importants et précis. Ah, d'accord. Donc, c'est un événement socioculturel important. Par exemple, je ne sais pas, l'élection de Barack Obama en 2008, par exemple, parce qu'il y aura eu une saute d'humeur si on analysait les tweets. Tout à fait. Ils ont pu retrouver le jour de l'élection présidentielle et aussi la fête de l'Action de grâce. Ah. Ils ont pu établir une corrélation entre des événements socioculturels importants puis l'humeur du public. Maintenant, restait à savoir s'il y avait une corrélation entre les variations ou les fluctuations boursières, puis ces variations d'humeur-là. Puis les chercheurs, ils disent qu'ils ont été surpris du résultat. Parce que eux, leur hypothèse de base, c'était que quand il y avait une baisse de l'indice boursier, il y aurait plus de tristesse. Puis quand l'indice boursier augmenterait, mm-hmm. la joie augmenterait. Mm-hmm. Sauf que c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, quand c'est avec l'humeur qui pouvait prédire la fluctuation, 3 à 4 jours à l'avance. Mm-hmm. Donc, en analysant les humeurs, ils pouvaient observer la variation de l'indice boursier. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y avait une... En regardant les humeurs d'aujourd'hui, ils peuvent voir l'indice boursier qu'ils vont aller voir dans 3 jours. C'est ça. Ah. C'est sûr que ce n'est pas encore parfait comme modèle. Sauf qu'ils sont conscients de pouvoir l'améliorer en incorporant des données, comme par exemple des données de l'actualité ou des indicateurs économiques. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, alors à savoir si ça pourra réellement prédire les fluctuations boursières. Mais quand même, on parle de 87%, c'est quand même c'est fort. Quand même fort. En tout cas, on va voir si ça permettra, si certains vont prendre cet indice-là pour, pour faire de l'argent. On va voir ça, c'est à suivre. Oui, c'est à suivre. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, par exemple, de l'étude, c'est de réaliser à quel point tous les médias sociaux puis les tweets pouvaient donner une nouvelle source d'information, même une nouvelle méthode d'enquête qualitative. Mm-hmm. Ça a même un nom, ça s'appelle la netnographie. La netnographie. Oui. Ah ben, c'est intéressant ça, la netnographie. Alors, ben, finalement, ça veut dire aussi qu'on est scruté quasiment par les tweets qu'on peut émettre. Exactement. Puis, les autres messages. Alors, ben, nous voilà avertis, nous sommes scrutés par nos tweets. Mais moi, ce que je me demande aussi... si par exemple on décide collectivement d'être tous heureux à travers nos tweets, à ce moment-là on va favoriser les montées d'indices boursiers pour dans 3-4 jours, on essaye. Bon, je me demande aussi quel genre d'informations, c'est comment on va les appeler, des netnographes, ceux qui vont étudier nos humeurs à travers les tweets, qui font de la netnographie, je ne sais pas si ça va s'appeler des netnographes, mais quel genre d'informations ils vont être capables de chercher, ils vont peut-être être capables de chercher d'autres informations, c'est quand même un nouveau domaine de recherche assez intéressant, je trouve assez fascinant. Vraiment. Ben, merci beaucoup, Myriam, de nous avoir fait découvrir cette nouvelle discipline scientifique, finalement, la netnographie. Ça me fait plaisir.